Je fais du rap comme tu vas en boîte. C'est du lourd, toi tu râles quand tu vois ton poids. Hey, j'ai toujours le dernier mot, je traîne avec mes animaux. Fais Bélec si tu nous croises dans le bois. Y'a du jack dans le foie, on avait soif, on nique tard et soir avec un claquement de doigts. 6h du mat en brouille pour un qui tu mates. J'aimerais rentrer chez moi, je me rappelle pas de l'endroit. Ma meuf aimerait me voir raconter les faits, mais je parle pas, je te l'ai dit 40 fois. Elle m'envoyait des pics, j'envoyais des flèches. Je vais te botter les fesses et je fais du 43. On se réconcilie, allez allonge-toi. Garde tes talons, ça sera pas long, je dois partir, restons dans la chambre, car dans ton salon, y'a tes parents, je crois. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je vous écoute, oh là là l'angoisse. Mon rap c'est l'équivalent d'une gauche dans le zen. Mon équipe valide avec des hochements de tête. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je vous écoute, oh là là l'angoisse. Mon rap c'est l'équivalent d'une gauche dans le zen. Mon équipe valide avec des hochements de tête. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je fais du rap comme tu joues au foot le week-end. Je fais du rap comme tu fais un week-end campagne. Envoie le champagne que je goûte, nickel. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je fais du rap comme tu joues au foot le week-end. Je fais du rap comme tu fais un week-end campagne. Envoie le champagne que je goûte, nickel. Je fais du rap pour le kiff. Je dépasse pas la ligne jaune. Toi tu fais des lignes blanches pour le pif. Je cours comme l'écureuil dans l'âge de glace. Cette go me dit rappel, envoie un message, je capte. Bon, j'y vais sinon c'est pétage de câble. Je l'appelle Gillette car c'est une pétasse jetable. Loco me dit viens en studio, je prépare le casque. Ok, je te préviens, mais si ça bédaf, je me casse. Je fais du rap comme quand la Beckham se cabre. Elle me dit si tu fais la coupe à Beckham, je craque. Je fais du rap quand les soucis m'éclatent le crâne. Désormais c'est moi le chef, je réclame le grade. Je fais du rap comme quand la Beckham se cabre. Elle me dit si tu fais la coupe à Beckham, je craque. Je fais du rap quand les soucis m'éclatent le crâne. Désormais c'est moi le chef, je réclame le crâne. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je vous écoute, oh là là l'angoisse. Mon rap c'est l'équivalent d'une gauche dans le zen. Mon équipe valide avec des hochements de tête. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je vous écoute, oh là là l'angoisse. Mon rap c'est l'équivalent d'une gauche dans le zen. Mon équipe valide avec des hochements de tête. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je fais du rap comme tu joues au foot le week-end. Je fais du rap comme tu fais un week-end campagne. Envoie le champagne que je goûte, nickel. Je fais du rap comme tu vas en boîte. Je fais du rap comme tu joues au foot le week-end. Je fais du rap comme tu fais un week-end campagne. Envoie le champagne que je goûte, nickel.